j'étais bien tout seul. Tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule. L'autoroute de ma vie filait tout droit devant. Notre rencontre est un accident. J'ai envie de crier comme un nouveau-né, d'hurler comme un animal traqué. Que l'amour est violent, mais violent par dedans. L'amour est violent, violent comme un volcan, violent par dedans. L'amour est violent, quand l'amour est violent, violent par dedans. J'irai sur les routes des hauts clubs, des villes connues, des madones et des filles faciles. Devant toi tout à coup je tombe à genoux, du coup tu me passes le corps de cou. L'amour ne vient jamais là où on l'attendait, je l'ai cherché mais sans le trouver. Quand ça vous surprend comme un coup de sang, on redevient adolescent. T'aimer me rend violent. Ferais marcher sur les mains. Si tu me demandais de croire à demain, je me retournerais contre mon destin. Tu me ferais planter des fleurs dans ton jardin et m'endormir dans des draps de satin. Que l'amour est violent, violent par dedans.